Un jeune homme au cœur d'or aime une femme au cœur perdu. Il est parti sans remords chercher le trésor disparu, en bravant seul ses pires cauchemars, en bravant et marchant dans le noir. Il n'est toujours pas revenu de sa quête d'un amour perdu. Il vendit sa fortune, sa joie, son bonheur et son âme, parti un soir dans la brume, sachant qu'il vivra un drame. En bravant ses obscurs chagrins, en bravant son unique destin, il n'est toujours pas revenu de sa quête d'un amour perdu. Il vogua sur les mers, sous les grosses intempéries, pria les dieux chimères pour ne pas être englouti. En bravant les flots et la misère, en bravant les eaux et la galère, il n'est toujours pas revenu de sa quête d'un amour perdu. Il marcha toute une vie dans l'ombre de ses souvenirs, comme lueur une bougie qui consumait son cœur de cire. En bravant avec tout son espoir, en bravant pour sortir du brouillard, il n'est toujours pas revenu de sa quête d'un amour perdu. Il tomba plus d'une fois, trébuchant sur la solitude, car il but et mangea une vie au goût très rude. En bravant son destin tout tracé, en bravant son chemin isolé, il n'est toujours pas revenu de sa quête d'un amour perdu. Il s'éteignit un soir, et dans son dernier soupir, il a dit que l'espoir l'a quitté en le faisant mourir, en laissant derrière lui une chanson, un souvenir d'une vie pour raison, l'amour de celle qu'il aimait. Il ne reviendra plus jamais.